Trop de canards qui gèlent en plein hiver. Trop de bons yobs qui brûlent en enfer. Oh, y'a trop de monde dans la foule. Y'a trop d'alcool qui coule. Ici, y'a trop de poussière pour que je te laisse coucher à terre. Oh, y'a juste assez de place pour toi et dans mon lit à soir. Trop d'enfants qui tombent en bas du lit. Trop de paupères, puis trop de moments aussi. Oh, y'a trop de fous qui se défoulent. Y'a trop d'argent qui roule. Ici, il fait trop clair, m'a fermé deux, trois lumières. Oh, y'a juste assez de place pour toi et dans mon lit à soir. Y'a trop d'amour qui se perd dans le métro. Y'a trop de poètes qui ont pas de stylo. Y'a trop de petits qui veulent être gros. Y'a trop de belles filles qui braillent en attendant. Y'a trop de beaux gars qui baillent en les regardant brailler. Pis là, il est ben trop tard pour rentrer chez ta mère. Pis y'a juste assez de place pour toi dans mon lit à soir. Y'a trop de chiens sales qui se cassent la gueule. Y'a trop de baveux qui se la cassent pas. Pis y'a trop de paresseux comme moi qui restent là. Y'a trop d'amis qui veulent du bien. Y'a trop de fendants qui veulent rien. Pis entre les deux, y'a trop de peureux qui se pognent les mains. Pis là, y'est ben trop tard pour rentrer chez ta mère. Pis y'a juste assez de place pour toi dans mon lit à soir. Trop de poissons qui cherchent le Saint-Laurent. Trop de pétrole perdu qui flotte dedans. Oh, y'a trop de gros chars qui roulent. Trop d'avions qui s'écroulent. Ici, il fait trop clair, m'a fermé deux, trois lumières. Tu peux dire tes prières. Oh, y'a juste assez de place pour toi et dans mon lit à soir. Oh, y'a juste assez de place pour toi dans mon lit à soir.